Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Arnaud Finance qui est écrivain et illustrateur. Bonjour, comment ça va ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Arnaud Finance, dit Flamme. Quand je dessine, c'est mon nom de dessinateur. Ça n'a rien à voir avec le capitaine, hein, je vous rassure. Ce sont mes initiales et les initiales de ma femme, qui est malheureusement partie voir Dieu. Voilà, c'est comme ça. J'écris de l'heroic fantasy, du fantastique, quelquefois du polar. Quelquefois, je m'adonne à des scénarios de théâtre, de petits courts-métrages. J'ai été pendant 30 ans cuisinier, et à côté de ça, j'ai commencé à écrire là. Et puis ça m'a pu quitter. J'étais déjà un fervent lecteur d'Alexandre Dumas, Jules Verne, Tolkien, j'en passe, c'est des meilleurs. Tout simplement, je suis un artisan écrivain, tout simplement. Est-ce que ce sont ces auteurs-là qui vous ont donné envie d'écrire à votre tour, justement ? Dumas, oui. Jules Verne, oui. Tolkien, oui. Et C.S. Lewis. Ce sont mes quatre inspirations principales. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ose pas les citer parce qu'il faudrait plus d'une heure d'émission. D'accord. C.S. Lewis, c'est le monde de Narnia et Tolkien, c'est le Seigneur des Anneaux, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est exact, mais Tolkien, il n'y a pas que le Seigneur des Anneaux. Il y a toute une liturgie, il y a les contes de la Terre du Milieu, il y a le conte des nains, il y a le Smyrnidon qui est un dragon. Ouais, il y a à peu près une dizaine de livres. Hein, Mais c'est vrai que l'œuvre principale est les deux trilogies des Seigneurs des Anneaux. C.S. Lewis, c'est les 8 livres de Narnia, les chroniques. Et là, pour la petite histoire, j'étais très amis tous les deux. Et c'est même Tolkien qui a dit à Lewis de faire paraître le monde de Narnia, parce qu'il trouvait ça excellent. Et est-ce que vous êtes de ces personnes qui pensent que les adaptations cinématographiques ne sont pas toujours aussi bien que le livre ? C'est un sujet épineux. Je pense que Le Seigneur des Anneaux est une belle adaptation, malgré qu'elle n'est pas tout à fait fidèle au livre. Donc je pense que si on adapterait vraiment les livres, il n'y aurait pas 3 heures de film. Il y aurait 4-5 heures. Après, c'est à la libre inspiration du cinéaste qui a pris le projet en main. C'est selon. Moi, personnellement, je trouve que les deux trilogies sont bien tournées. Malgré cela, je vous dis, c'est pas très fidèle au livre. Après, tenir déjà 3 heures au cinéma, s'il faut tenir 4-5 heures, je ne suis pas sûre que le spectateur, à moins qu'il soit déjà passionné par les livres... Et je pense que Le Seigneur des Anneaux, il y a eu des versions longues. Ah oui ? Il me semble, oui. Je ne voudrais pas être sûr, mais il me semble qu'il y a eu des versions longues. Qu'est-ce que vous lisiez, enfant ? Est-ce que vous lisiez déjà Alexandre Dumas ? Oui. C'est vrai ? Alexandre Dumas, père. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le père et fils. Le fils, il n'a pas fait grand-chose, c'est ce que je dis toujours. Alexandre Dumas père, beaucoup de mythologie. Et puis Théophile Gautier, des romans de Capet d'Épée. Parce que j'étais un enfant solitaire, pas beaucoup d'amis. Et comme je dis toujours, mes amis, c'est des amis de papier. C'est Zorro, D'Artagnan, Ulysse, Arthur. J'ai beaucoup lu la légende arthurienne. Et je passais que ma vie à ça. J'étais assis sur mon lit avec des bouquins à lire, puis à dessiner à côté. J'étais un enfant solitaire. J'avais une famille qui n'était pas très compréhensible dans ce domaine. Alors, vous savez, je viens d'un milieu ouvrier, c'était l'usine 8 heures. Ma mère, elle m'a élevé toute seule, puisque mon père, c'est a eu la bonne idée de partir. Donc, depuis l'âge de 7 ans, elle m'a élevé toute seule. Donc, après ces 8 heures d'usine, parler de livres, tout ça, c'était pas son truc. C'était pas... J'ai pas eu beaucoup d'appui hein, de mes parents. Ça, mm-hmm. je dois le signaler, j'ai tout fait tout seul. Le seul appui que j'ai, c'est ma sœur, à l'occasion. Mon oncle, qui habite à Maubeuge, et c'est tout. Côté familial, c'est tout. Est-ce que le fait de lire, c'était comme un exutoire pour vous, votre imaginaire ? Est-ce que ça vous faisait du bien de partir un peu ailleurs ? Oui, ouais, ouais. Surtout la mythologie. La mythologie, ça fait voyager. C'est magnifique, qu'elle soit scandinave, japonaise ou grecque, pour la plupart que je lisais. C'est des mondes sont superbes. Même Jules Verne, hein. Jules Verne est une sorte de mythologie qui est très belle. Quand on lit Voyage au centre de la Terre, Voyage vers la Lune, Le tour du monde en 80 jours, c'est, pour ne citer que cela, ce sont vraiment, c'est magnifique. Ça me transportait ailleurs. Et puis un jour, j'ai dit à mon grand-père qui m'élevait, il dit, papy, je vais écrire. Comme eux. Et j'ai commencé comme ça. Mon premier roman est un roman d'aventure. J'avais imaginé une histoire entre Cyrano et D'Artagnan. Donc, oui, parce que j'adorais de Montrostand aussi. Donc, j'avais imaginé une aventure avec les deux au service de Louis XIV. Tout ça, c'était un délire total. Je rassure, je me drogue pas. Je n'ai pas d'opium, je me drogue qu'à l'imaginaire. C'est tout. C'est moins nocif pour la santé. C'est moins nocif. Alors, je voulais partager avec vous une citation de Jules Barbey d'Aurevilly qui dit que écrire est un apaisement de soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je vais vous répondre par une autre citation d'Albert Einstein qui disait que la différence entre l'intelligence et l'imagination, c'est que l'intelligence a ses limites alors que l'imagination englobe tout et elle permet de faire de grandes choses. Donc, je rebondis à votre citation comme ça. Oui, c'est vrai, c'est... Pour moi, ça me calme. Et je vous dis que il m'arrive de ne pas écrire pendant un jour. Hein. Faut se reposer de temps en temps. Mais c'est plus fort que moi. Il y a un truc qui dit en moi, il faut écrire, faut faire quelque chose. Faut dessiner, écrire. Voilà, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'en passer. Quoi. C'est vital, finalement. Pas vital. Pas vital. Comme j'ai pas eu une belle vie, ben, ça me permet d'être dans un monde où je suis bien, où je suis moi, quoi. C'est tout. Alors, je voulais partager une autre citation avec vous, celle de Cesare Pavase, je sais pas si ça se dit comme ça. Il est beau d'écrire parce que cela réunit les deux joies, parler seul et parler à une foule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Oui, oui. Oui, c'est ma foi, c'est juste. Alors, vous écrivez quoi, vous, comme genre d'histoire ? Fantastique, héroïque, fantasy. Je suis un adorateur de la licorne. Donc, j'entre dans une héroïque fantasy un peu mythologique, comme j'aime la mythologie grecque et scandinave aussi. C'est un mélange de tout ça. Mélange arthurien, grec, romain, quelquefois scandinave, je me répète, je sais, quelquefois japonaise. Parce que j'ai mon ami qui est à côté, qui aime bien le Japon et qui m'a ouvert l'esprit à la mythologie japonaise, au mode de vie japonais. Et j'ai un ami qui est dans le Vaucluse, qui est dans la même maison d'édition que moi, qui écrit aussi de l'héroïque fantasy, mais un peu plus dur. Il s'appelle Bruno, et qui m'a pris en main. Qui m'a dit, t'es tout seul, maintenant tu vas venir dans mon équipe, tout ça. Donc on s'appelle pendant une heure, on dit ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut faire, tous nos projets. Et puis voilà. Mais c'est vraiment ma base, c'est l'heroic fantasy, science-fiction, quelquefois roman d'aventure à l'ancienne, et le steampunk, un monde que j'ai découvert aux Imaginales, que je fais souvent. Et j'ai un roman là qui va paraître après celui-ci, dans ce style-là. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tous les univers que vous lisez ? Alors j'ai une citation, je dis toujours que le meilleur livre, c'est celui que j'ai encore pas écrit. Donc ce que j'aime dans ces mondes-là, ben, c'est la possibilité de pouvoir imaginer des histoires, de mettre à ma sauce, si je peux parler, de mettre une licorne qui parle, de... de mettre un chevalier qui se transforme en lion ou un truc comme ça. Ça permet pas mal de choses. Donc, je suis bien dans ce monde-là, je suis bien même dans la vie de tous les jours. Je sors chez moi, de chez moi, je vois un truc, je dis tiens, ça pourrait faire une idée pour un roman, n'importe quoi. Est-ce que vous réfléchissez à l'avance des histoires que vous allez écrire ou est-ce que vous y allez à l'instinct ? Alors, au départ, c'est une idée, c'est de l'instinct. Et puis, au fur et à mesure, j'élabore, je prends des notes, puis je transforme au fur et à mesure. Une fois que tout est bien planifié, le synopsis, l'avant-propos, les chapitres, alors là, je me lance. Et après, ça coule tout seul. S'il n'était possible que de lire qu'un seul livre pour le reste de votre vie, ça serait quoi ? Alors ça, c'est compliqué comme question. J'en ai tellement. Je crois que ce serait Cyrano de Bergerac. Pourquoi celui-là, du coup ? Parce qu'il mêle l'aventure. Et c'est surtout, c'est des vers. C'est une comédie en vers qui est très compliquée. Je l'ai joué à l'école quand j'étais plus jeune. Et puis, il y a le côté panache, brillant. Il y a une histoire d'amour. J'adore. Il y a le côté panache qui fait que le héros est magnifique dans l'échec, malgré son nez. Donc, je crois que c'est le livre que je lirai. Parce que la fin de ma vie, ça. Nous allons faire une première pause musicale avant de plonger dans votre univers. On vous laisse avec Rondo Veneziano, avec son titre Fantasy. On se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. De retour sur les ondes de RGM avec Arnaud. Alors, j'ai pas mis ce morceau jusqu'au bout parce qu'il dure un peu plus de 5 minutes. Donc, c'est un morceau que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet artiste ? Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que dans l'histoire, c'est une histoire basée sur des masques vénitiens. Et la seconde raison, c'est parce que nous sommes originaires de Venise. Et je m'étais dit que ça pourrait faire une belle histoire. Donc, dans ce livre, il y a une île qui se trouve dans le ciel, qui est une Venise céleste, où on y va en gondole volante, avec des gondoliers qui chantent, hein, comme à Venise. Et puis, il y a sept masques qui représente le bien et sept masques qui représentent le mal. Ils ont un certain pouvoir. Et il y a des pouvoirs magiques, tout ça par rapport aux masques. Et nous avons un petit héros qui s'appelle Bolt, qui est un chérubi, j'en parlerai plus tard, si vous le voulez bien. C'est le premier peuple de Delphia, le lieu où se passe l'histoire. Delphia est la Délodacie, les deux royaumes, d'où le titre du livre. Et c'est lui l'inventeur des masques qui a le secret de l'alliage. Et il se le fait voler, et c'est une course-poursuite. Enfin, il n'y a pas que le vol de la formule des masques, il y a autre chose. Et ensuite, toute l'histoire est basée là-dessus. Vous avez déjà écrit deux ouvrages, nous parlerons du troisième un tout petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux premiers livres que vous avez sortis ? Alors, les deux premiers, c'est sur une passion que j'ai, c'est le catch. Et c'est une héroïne qui s'appelle Jessie Liberty qui catch en 2300, donc dans le futur. Et catch par rapport à des auras qu'ils ont sur le ring, c'est-à-dire aura de la soumission, aura du hardcore, qui est l'aura interdit, il y a l'aura du super wrestling, tout ça. Et c'est la vie de Jessie Liberty sur deux volumes, c'est-à-dire sa vie en tant que catcheuse et sa vie en dehors du catch, c'est-à-dire vie de famille, ses enfants, ses doutes de femme. Voilà, les deux ont été publiés au Lys Bleu, qui est ma maison d'édition, comme celui-ci d'ailleurs. Puis voilà, j'ai eu plaisir à créer ça, puisque je devais... c'est des livres que je dis souvent, je me dois de les avoir écrits. Comme j'adore ce sport, c'est un sport, hein, attention le catch. Contrairement à ce qu'on dit, c'est un sport. Parce que j'ai une école à Strasbourg, hein, je fais vraiment partie de ce milieu-là, et je peux vous dire que c'est pas du n'importe quoi. C'est un sport où on s'entraîne. Il y a le côté scénique, c'est un fait. Mais il y a le côté sportif à côté. Donc j'ai écrit ces trucs-là avec une influence de Wonder Woman. Parce que je l'ai dessiné, hein, Jessie. Elle est dessinée. Tous les héros sont dessinés. Je travaille comme ça. Je dessine les personnages afin de voir ce qu'ils vont rendre dans mes livres. D'accord. Donc... À la maison, j'ai plus de 700 dessins de Jessie, c'est-à-dire recherche des personnages, les personnages définitifs, tout ça. Delphia, c'est pareil. J'ai les chroniques de Florissian, j'ai à peu près une centaine de dessins, de faits. Mm-hmm. Donc il y aura des suites aux chroniques de Florissian, mais qui seront, c'est une primeur que je dis à vos éditeurs, qui seront en dehors de celui-ci. C'est-à-dire que ça sera d'autres histoires. D'accord. Parce que le héros principal, c'est Florissian. Alors Florissian, c'est un trouvère, un troubadour, qui est aveugle et qui a un luth qui voit pour lui. Et quand il écrit, il dicte à une plume magique écrite toute seule. Donc voilà. Là, dans les chroniques de Florissian, il est encore voyant. Il devient aveugle à la fin de l'histoire. Et il y aura d'autres chroniques. Est-ce que vous savez combien d'exemplaires vous avez vendus à peu près avec les deux premiers ouvrages ? Non ? Non, je ne suis pas au courant. J'ai beau demander à mon éditeur, mais là, ça laisserait lettre morte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quand on écrit, on le fait d'abord pour soi, comme on l'a dit avant la pause musicale. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de partager vos écrits avec le grand public ? Au départ, j'écrivais pour moi. J'ai commencé par des polars, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, après, j'ai créé mon petit univers. Et je me suis dit, allez, c'est le moment de sauter le pas. Alors, je me suis mis à la recherche d'un éditeur. Ça a été une lutte de 15 ans, trouver un éditeur. Vous savez, c'est pas facile, hein. C'est un parcours du combattant. Et puis, le Lys Bleu est apparu. Jeune maison d'édition, je dis tiens, je vais essayer chez eux. Et j'ai eu le patron en personne au téléphone, il m'a dit écoutez, ce que vous avez écrit, ça nous plaît. Le comité de lecture est d'accord. Ben, je dis écoutez, si vous aimez ce que je fais, je veux bien être chez vous tout le temps. Et ils m'ont dit écoutez, on vous fait des contrats de 2 ans, parce que les livres, c'est tous les 2 ans. Hein. Donc, contrat renouvelable. Puis le jour où vous voulez partir, vous partirez. Moi, je dis, vous savez, c'est tellement dur de trouver un éditeur que je vais rester chez vous. Eh bien, c'est une histoire d'amour qui dure 6 ans maintenant. C'est pas facile, hein. Comme dans toutes les histoires d'amour, bah, passez-moi l'expression, il y a des engueulades, hein, bien sûr. Mais dans l'ensemble, ben, c'est très bien. On s'entend vraiment bien avec mon éditeur, donc il n'y a aucun problème. Je ne dis pas que c'est rose tous les jours, mais dans l'ensemble, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qui se passe avant l'édition du livre, justement? Comment ça se travaille, tout ça? Alors, c'est tout un livre. Vous savez, le plus dur, ce n'est pas de l'écrire. Le plus dur, c'est les corrections, la relecture, et donner un produit fini à son éditeur, qui lui va le passer à l'ordinateur pour voir s'il y a encore des fautes. Moi je me souviens que le premier de Jessie, on l'a corrigé avec mon épouse 4 fois pour voir les participes passés, tout ça, toutes les fautes d'orthographe. C'est le plus long et c'est le plus embêtant, pour rester poli. Mais le départ, quand vous écrivez le livre, vous avez l'idée, donc vous l'écrivez, puis après vous relisez. Et vous dites, oh, c'est pas très bien, faut que je transforme, faut que je fasse ci. Puis là, il y a une faute d'orthographe, participe passé, participe présent, impératif, tout ça. Après, c'est le plus long, hein. C'est ça le plus long. Et puis une fois que vous êtes satisfait, vous dites, bon, bah, je trouve bien, parce que vous savez que maintenant, sur ordinateur, il y a des correcteurs automatiques qui, quelquefois, ne sont pas... fiable. Donc moi, comme je vous dis, j'ai mon ami là-bas dans le Vaucluse, j'écris l'histoire, je corrige, je lui envoie, il m'appelle au téléphone, je vous dis texto, hein, comme ça se fait. Il me dit, cette idée-là, c'est de la merde, tu l'enlèves. Celle-là, elle est pas mal. Belle histoire. Donc, on la corrige tous les deux, on la transforme tous les deux, puis une fois que le produit est fini, ben, on envoie au service manuscrit d'Ulysse Bleu. Il la lise. Et puis, allez, banco. Alors maintenant, moi, comme je suis à mon 3e livre chez eux, ils me disent, oui, vous passez plus par le comité de lecture, vous êtes un auteur de chez nous. Donc, on attend ce que vous écrivez, et puis on vous dit si ça nous plaît ou pas. Voilà, ça se passe comme ça. Mais il faut savoir que... Là, les chroniques de Florissian, j'ai mis 2015, ça fait combien? Presque 10 ans. Ça fait 8 ans. J'étais dans ma cuisine, j'ai appelé ma serveuse, je lui ai dit, tu vas prendre ton bloc-notes, tu vas mettre un roi légendaire, un dragon, une licorne, un chevalier. Elle a noté, et avec cette liste-là, j'ai écrit 600 pages de notes. Donc après, avec mon épouse, on a séparé. Elle me dit, ouais, ça, premier tome, celui-là, deuxième tome, si tu veux, et troisième tome. Je dis, oui, mais je ne veux pas faire une saga. Je veux faire des chroniques, mais différentes. OK. Donc, on a travaillé là-dessus. Et la couverture, c'est elle qui me l'a faite avant de partir pour le grand voyage. Et puis, voilà. Parce que ce livre-là, c'est un titre posthume, je lui dois à elle, surtout à elle. C'est ma petite femme, c'était mon correcteur, elle avait le Becherel et tout, elle corrigeait mes bouquins. Et quand je sortais le livre, toujours ce « oui, je suis fier de toi, ah mon chéri, c'est super ». Puis Dieu me l'a enlevé il y a 1 an, et on fait son deuil comme on peut. Hein. Et ce livre-là, j'ai fait mon deuil avec. Je lui ai dit, je te promets que je vais le faire publier, je l'ai fait publier. D'ailleurs, il y a un petit mot pour elle dedans. Donc, c'est le dernier livre par lequel nous avons travaillé ensemble tous les deux. Maintenant, ben, je travaille tout seul. Enfin, tout seul. Façon de parler. Et puis j'ai des amis qui aiment mes livres, comme mon ami là qui est à côté, avec qui on parle souvent de livres, d'imaginaire, il a des idées d'ailleurs, il a pas mal d'idées. Une fois, il est venu me voir, il m'a dit, tiens, et si on imaginait si les nazis avaient gagné la guerre, ça se passerait comment? Ah. Alors je lui ai dit, c'est de l'histoire fiction, mais je dis, c'est un sujet assez épineux. Je dis, c'est pas que je veux pas le faire, mais c'est assez épineux. Et puis, je lui ai dit, un jour, tu devrais écrire. Parce que tu as du talent, et je suis sûr que pour la maison d'édition, tu t'inquiètes pas, tu viens avec moi. Alors, je sais pas s'il veut écrire ou pas, c'est ça, il verra. Mais, ensemble, quand nous sommes, on va le dire, hein, au bistrot, hein, on parle beaucoup de livres, de trucs comme ça. Donc, c'est chez des amis qui m'écoutent, comme lui, des amis, hein, je dis bien des amis, pas des copains. Et puis, j'ai d'autres amis qui lisent mes livres, qui disent « Ouais, c'est super, c'est bien. » Parce que je veux des avis de tout le monde. Il m'est arrivé de m'entendre dire « Oui, c'est nul. » Bon, c'est nul, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, après la mort de ma femme, j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont vraiment soutenu. Et lui en fait partie. Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui sont venus. Je peux vous le dire que même dans le monde du catch, j'ai pas mal de monde qui m'ont tourné le dos. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Mais voilà, j'ai eu un tas d'amis qui m'ont boosté, qui m'ont dit « Allez, la vie continue, allez, on y retourne. » Et mon ami Arnaud en fait partie. Donc, je leur dois beaucoup là-dessus, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent pour vous regarder au bord du chemin, qui vous disent « Écoute, ça va aller, t'inquiète pas, la vie continue. » Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Ben, on est reparti, puis en avant-marche, quoi. Puis voilà, c'est ma petite histoire, c'est comme ça que je fais mes livres, c'est comme ça je glade les idées à droite, à gauche. Comme je vous dis, mon ami m'en donne quelquefois. D'ailleurs, il y a certaines de ces idées qui vont être dans le prochain livre. Donc, voilà, j'écris comme ça. Maintenant, je suis reparti, je suis bien. Enfin, je suis bien, si on veut dire. Je suis bien dans mon art, je suis bien dans mes idées, je suis bien partout. Parce qu'en dehors, je dessine aussi. Donc, c'est pas mal. Je suis bien. Ça va mieux. Voilà. En plus d'écrivain, vous êtes justement aussi dessinateur. Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'écrire une bande dessinée un jour ? J'ai pensé. J'ai un projet de comics. Mais je ne crois pas le faire. Je ne crois pas le faire parce que c'est très long. Et quand vous êtes tout seul, c'est long. J'ai 52 ans. Je préfère écrire des livres, voire les illustrer. Mais une BD, c'est 5 ans. Maximum, c'est 5 ans. Et j'ai personne. Donc, s'il y a des dessinateurs, moi, je suis prêt pour le scénario. Il est à la maison, il est prêt. Hein. Les personnages sont décrits. Mais pour l'instant, je ne l'envisage pas. Pour l'instant, j'ai tellement de travail avec les chroniques et puis avec Johan Adi, futur roman de steampunk. J'ai pas mal de travail. Donc, pour l'instant, ça reste dans les tiroirs. On verra. On verra ce que l'avenir nous dira de faire. Pour l'instant, j'ai pas mal d'idées avec les deux sagas, là. Mais il y a des dessins à moi dans le livre. Nous allons maintenant parler de votre nouvel ouvrage qui s'appelle « Les chroniques de Florissian », qui est le tome 1, un conte des deux royaumes. Alors, pourquoi ce titre ? Au départ, il devait s'appeler « Delphia ». Parce que Delphia, c'est l'endroit où l'action se situe. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé Delphia, la Délodacie, qui sont les deux royaumes du livre. Et je m'étais dit, il fait un peu moyenâgeux. Et mon épouse me dit, qui c'est qui racontait au Moyen-Âge les histoires ? Et c'est les troubadours. Elle dit, Florissian serait pas troubadour ? Puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis nous avons créé ce petit personnage qui est Chérubi, lui aussi, mais de Délodacie, pas de Delphia. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Et donc on a créé ça comme ça, et puis c'était parti. Voilà. Par rapport à la liste que j'ai faite dans mon restaurant, on a créé ce petit personnage, hein, un peu marrant, un peu à l'humour grinçant, beaucoup d'esprit. Et très attachant. Très attachant. Personnellement, je l'aime bien, Florissian. Alors là, j'ai écrit par rapport à moi, mais dans la deuxième chronique, c'est lui qui parlera. Donc il sera la première personne. Parce que mon ami du Vaucluse, il me dit, si t'écris, si tu fais parler ton héros, tu verras, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, le deuxième est en cours, il y a déjà 70 pages d'écrit. Il y a un truc totalement différent, où je vais reprendre les chérubis. Parce que c'est des personnages que j'adore. Je les ai créés, mais j'adore. C'est un monde vraiment en marche de Delphia. Delphia, c'est de l'heroic fantasy, des licornes. Alors que les chérubis, c'est des personnages qui font 1m20, 1m30, qui vivent dans une vallée dans les montagnes de Delphia. Et ils sont habillés un peu style victorien. Vous savez, c'est des petits êtres pacifistes, mais qu'il ne faut pas trop embêter. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ils se déplacent en forinette. Alors, les forinettes, ce sont des voitures. J'ai cherché une idée. J'ai dit, il faut qu'ils se déplacent, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme véhicule qui fasse rêver les enfants et les ados? Et mon épouse me dit, tu es bête. Qu'est-ce qui fait rêver un enfant? Je dis, je ne sais pas. Je sais pas. Un manège. Donc je suis allé sur les fêtes foraines. Et les forinettes, bah, c'est des voitures de manège. Avec une grosse idée, ce sont des autotamponneuses. Alors je les ai déclinées en toutes les sortes. Il y a les autotamponneuses de l'hôpital, il y a les autotamponneuses des taxis. Donc ils se déplacent et j'ai appelé ça les forinettes, petite foraine. Voilà, c'est mes chérubis. Donc, la deuxième chronique sera beaucoup basée sur ce peuple-là. Donc, on verra pourquoi Bolt crée les masques, on verra d'où ils viennent. C'est le premier peuple de Delphia. Ils étaient là les premiers. Voilà, c'est comme ça. C'est mes petits chérubis. Et j'ai créé les chérubis en truc tout bête. Quand j'étais gamin, j'avais un fameux jouet qui s'appelait les Playmobil, qui était décliné en toutes les sauces. Et encore, à 52 ans, j'ai pas honte de le dire, j'adore ce jouet. Donc j'ai créé les chérubis par rapport à ça. Puis voilà, c'était parti. Et puis j'en ai fait les héros de mon histoire. Est-ce que vous vous fixiez à chaque fois un objectif d'écrire tant de pages par jour, ou est-ce que vous écrivez au feeling? Beaucoup au feeling. Et c'est seulement après on fait la mise en page. Et quand on voit que ça fait trop... Parce que vous savez, les maisons d'édition n'aiment pas trop les gros pavés, quoi. Donc, on, avec mon ami, on fait la mise en page, on regarde, on dit, tiens, cette idée-là est bonne, et on essaye de... Nous ayons une belle histoire avec peu de pages. En général, 250 pages, voire 300. Après, au-delà de 300, on trouve que c'est un peu long, et que, vous voyez, comme Harry Potter, qui sont des pavés. Moi, je vais vous dire, Harry Potter, au bout de 200 pages, j'arrête, quoi. J'arrête. Je dis pas, tout le monde l'aime, Harry Potter. Je les comprends. C'est un beau succès. Et c'est une histoire, même l'histoire, la jeunesse d'Harry Potter est très belle. C'est J.K. Rowling qui racontait des histoires à ses enfants. Et quand on voit d'où elle vient, je dis, c'est super. Mais au-delà de 300 pages, moi, personnellement, je peux plus. Je décroche. Donc c'est pour ça que je table sur, allez, 200 voire 250 pages maxi. C'est quoi la différence entre le fantasy et le fantastique? Le fantastique, ça englobe la science-fiction. C'est-à-dire, Blade Runner, c'est de la science-fiction fantastique. C'est bon, là, vous... Alors que l'héroïque fantasy, ce sont des mondes imaginaires avec des créatures fantastiques. La mythologie est une sorte d'héroïque fantasy. Voilà, c'est... Vous voyez un peu la différence. Les dieux, les créatures, les cyclopes, les licornes, tout ça, ça, c'est de la fantasy. Le fantastique, ça peut être très bien de la science-fiction. Ça peut être... Jules Verne faisait du fantastique. Donc, voilà la différence. Mais j'ai tendance à dire que la fantaisie et le fantastique ont tendance à s'entrechoquer, à se mélanger. Donc, pour vous dire vraiment la différence, moi, je la vois comme ça. Mais pour vous dire vraiment la différence, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, c'est selon, quoi. Est-ce que vous envisagez de réécrire des polars ou quelque chose comme ça plus tard ou pas ? J'en ai un qui est dans mes tiroirs. C'est le tout premier que j'ai écrit en 95, mais je vais les reprendre. C'est l'histoire d'un flic qui parle comme Michel Audiard, si vous connaissez un peu les dialogues, et qui court sur toute la Terre après des serial killers. Donc vous voyez, c'est un monde déjà assez noir. Donc j'ai des histoires décrites, je dis, qui datent de 95. Quand j'écrivais tout de suite après mes services, j'ai fait ce héros-là. Donc je me demande si je vais pas les reprendre. On va voir ça avec mon ami là-bas dans le Vaucluse. Et comme je vous dis, pour l'instant, j'ai pas mal de travail avec Florissian et puis Johanna, future héroïne. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Et on verra ce qu'on en fera, quoi. Parce que j'ai pas tous les éléments pour écrire ce pot-là. Vous savez, avec les droits internationaux, comment marche le système judiciaire, tout ça. Là, il faut être précis. Donc là, j'ai pas beaucoup d'idées comment marche un système judiciaire en France par rapport aux États-Unis, par rapport aux droits internationaux. Donc là, c'est mis en stand-by dans mes tiroirs. Pour l'instant, je me consacre à Florissian et à mon roman steampunk futur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire plusieurs histoires en même temps ? Oui. Pour vous dire, Florissian et Johanna D, c'est un jour sur deux. Un jour, j'écris Florissian. Et un autre jour, j'écris les aventures de Johanna. Parce que ça me vient, comme ça. Ça me vient. Alors, Johanna, j'écris sur cahier les idées, alors que Florissian, comme j'ai déjà les notes, j'écris comme ça sur l'ordinateur. Donc comme j'ai déjà toutes les histoires de Florissian, ça va. Et vous ne vous perdez pas des fois dans l'écriture avec les personnages et tout ça, comme vous écrivez un peu en même temps, des fois ça peut prêter un peu à confusion ? Non, pas du tout, parce que la seule truc que me disait ma femme, elle me dit, avec toi c'est difficile à te suivre, t'as une idée toutes les minutes. Alors c'est pour ça que je les note. Et après je les reprends, je me dis ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est nul. Voilà. Et après le roman se fait automatiquement. Il vient automatiquement. Mais quand j'écris, je me relis et je me dis non, ça va pas, on transforme. Mais toujours dans la même idée. C'est toujours dans la même idée. Après, nous verrons ce que ça donne. Le résultat fini, quand on fait la relecture, on dit, ouais, il y a des trucs à ajouter, là, c'est pas précis. Parce que moi, quand j'écris, je fais l'action, et après, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi il fait ça ? Donc, j'écris comme si j'écrivais un film. D'ailleurs, j'ai un moyen, en face de mon bureau, c'est un mur tout blanc. Et je m'imagine que c'est un écran de cinéma, et je me dis, tiens, je vais écrire le film que j'aimerais voir. Et j'écris comme ça. Donc j'ai mes cahiers de notes, après je regarde le mur, et là je vois l'action. Peut-être que tous les écrivains n'écrivent pas comme moi. D'ailleurs, je leur souhaite. Mais voilà, j'écris comme ça. Et après, je vois l'action du film. Et je retranscris sur mon bouquin, avec les dessins de personnages à côté de moi et les notes. C'est toute une gymnastique. Ça va. Je vous dis pas que quelquefois, la tête... Alors, repos. On se repose un peu, deux jours, puis après on reprend le roman. Vous avez un peu le cerveau en ébullition finalement, tout le temps. C'est embêtant. C'est surtout embêtant pour vos proches. Parce que quand vous leur racontez des histoires et qu'ils ne font pas partie de ça, ils te disent Même ma mère me disait, écrivain, c'est pas un métier. Bon. Parce qu'à côté de ça, j'ai eu des activités théâtrales, j'ai joué au théâtre, j'ai fait un peu de figuration au cinéma. Donc, voilà, je suis un artiste. Mais ça, je l'ai eu... je me souviens, quand j'ai eu 10 ans, j'ai dit à mon grand-père, je veux faire acteur. J'avais ça en moi. Donc, parce que j'avais vu Bebel Belmondo au cinéma, et je me dis, tiens, je veux faire comme lui. Mais je veux dire, moi, j'écris comme ça. Et c'est tout le temps... ça travaille, ça travaille, ça travaille. Alors, quelquefois, je fais une pause, stop. Donc, je vais voir mes amis, je vais me balader, je sors de temps en temps. Enfin, je ressors de temps en temps. Et puis, je vois mon ami autant que je peux. Il m'est même arrivé d'écrire à l'ancienne, c'est-à-dire sur une table de bistrot. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'écrivais sur des tables de bistrot. J'ai dessiné sur des angles de bistrot. Donc, vous voyez, n'importe où. J'avais toujours mon cahier. J'allais n'importe où, j'avais une idée, crac, allez. J'écrivais sur mon cahier. Donc, et puis, ça ne m'a pas lâché. Hein. J'écris toujours comme ça. Voilà, vous avez ma technique et mon secret, comment je crée. Après, bon, les autres, ils créent comme ils peuvent, ou comme ils veulent, plutôt. Mais je ne suis pas ennemi des autres. Parce que je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, surtout quand on écrit et qu'on veut être un grand écrivain, il y en a qui perdent la tête et qui deviennent narcissiques. Moi, j'essaye de rester humble parce que mon grand-père m'a toujours dit. Il m'a dit, tu veux écrire pour être le meilleur? J'ai dit, non, papy, je veux être parmi les meilleurs. Ce qui n'est pas pareil. Mais je suis toujours resté humble. Je sais d'où je viens. Je sais comment j'ai galéré, je dis bien galéré. J'ai connu vraiment la pauvreté, mais là je suis pas ici pour faire du mélo. Je sais d'où je viens, et je sais que dans le monde où je viens, on reste humble. C'est beaucoup plus facile que d'avoir la grosse tête. Parce que quand on a la grosse tête, on n'obtient rien du tout. Voilà. Et c'est ma façon de penser après. C'est selon, comme je vous dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand on a la grosse tête, ça ne doit pas être facile pour passer les portes aussi. Ah, c'est pour ça que j'ai enlevé les portes chez moi. Non, c'est un trait d'humour. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, puis on a du mal à marcher avec les chevilles qui enflent, vous savez. Donc, non, non, je suis resté un. Même dans le monde du catch, je peux vous dire que dans le monde du catch, vous avez des narcissiques au mètre carré. Je suis toujours resté moi-même. C'est surtout ça. Surtout ça. Parce que quand vous n'êtes plus vous-même, malgré les aléas de la vie, hein. Quand vous n'êtes plus vous-même, vous n'arrivez à rien. Moi, je suis resté moi-même, malgré tous les coups qu'on m'a mis. J'ai réussi à me relever. Le dernier en date, il y a un an, je vous l'ai expliqué. Et là, j'ai eu un passage à vide. Puis après, bah, quand je vous dis, j'ai eu des amis qui m'ont boosté. Et bah, je n'ai pas changé. Quand je suis resté humble, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Donc pourquoi changer ? Ça, voilà, ça en plus. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Michel Sardou et Sweet People. On se retrouvera juste après sur le 107. Des cathédrales crevant le ciel comme des épées, des forêts noires que des sorcières ont envoûtées, des chevaux fous et des milliers de races humaines lancées sur nous du plus profond de la Bohème, des crucifix dressés pour garder les campagnes des abeilles, posés au sommet des montagnes des rois enfants, conduits par des femmes inhumaines, des rois méchants, soufflant la fureur et la haine. Et tout là-haut, un dieu colère qu'on ne sait comment apaiser. Un dieu du fond de l'univers, à des années de voies lactées. C'était la fin du millénaire,

village au fond de ma vallée. C'est un clocher qui sonne dans le soir. Le vieux chalet de mes tendres années, là où mon père attend de me revoir. C'est la chanson du vent doucement me dit de revenir. C'est la rivière qui coule avec mes larmes quand je repense à tous mes souvenirs. Et dans sur les ondes de RGM avec Arnaud. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Alors Arnaud, que conseilleriez-vous à un auteur qui n'ose pas montrer ses écrits au grand public? Déjà, premier passage, le faire lire à son entourage et à ses amis. C'est là qu'on voit si l'ouvrage plaît ou pas. Et ensuite, se trouver un éditeur qui est très long, comme je vous dis, c'est... Ils prennent pas tous. Mais moi, je suis prêt à aider les jeunes auteurs. S'ils veulent venir me voir, justement, aux listes bleues, on en cherche. Donc, je serais très heureux d'aider un jeune auteur à l'aider. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux aider mon ami quand il fera son livre, s'il veut. La maison d'édition n'aura pas à s'inquiéter, je l'aiderai du mieux que je peux. Après, comme je vous dis, écrire l'histoire, c'est pas trop un problème. Après, il y a la relecture, tout ça. Et c'est seulement après que vous proposez à votre entourage, à qui vous voulez. Et c'est là que vous avez les premières tombées, qui vont vous dire, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est super. Ouais, j'ai adoré l'histoire. Enfin, et puis, les fameuses critiques, ouais, c'est nul, c'est pas bien, moi j'aime pas. Moi, je dis jamais qu'un livre ne me plaît pas. Je dis toujours, ce n'est pas ce que j'aime. Mais je n'empêche pas les autres d'aimer. Je peux vous dire que j'adore Agatha Christie, j'adore Sherlock Holmes, j'adore tous les trucs qui se passent au temps victorien, parce que je considère que c'est là que le monde a vraiment changé au niveau des inventions. On a créé le chemin de fer, l'automobile, enfin tout ça. Le Second Empire français, on a vu la transformation de Paris, on a vu tout ça. Donc c'est pour ça que Johanna D. va se passer dans un monde utopique, mais avec une petite touche de victorien et tout ça. Je dis, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, j'ai fait 50 bibliothèques, j'ai lu des livres que j'ai pas aimés, j'ai lu des auteurs que j'ai adorés, comme Dumas, rassurez-vous, j'ai pas Alzheimer. Mais je ne dis jamais, c'est un livre qui est nul. Ne serait-ce que par respect pour l'auteur qui l'a écrit. Par contre, je dis souvent, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça ne me plaît pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne plaira pas à d'autres personnes. Donc, il ne faut jamais dire, ouais, c'est nul. Jamais. Jamais. Parce que le monsieur qui vous dit c'est nul, ou la dame, bah, vous lui dites, écrivez. On verra ce que vous savez faire. Parce qu'en général, les gens qui vous disent c'est nul, ils ne savent pas. Moi, je ne pars pas sur ce principe. Je dis que dans le monde des auteurs, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les styles. Que vous écrivez des romans à l'eau de rose, des romans d'aventure, des romans policiers. Il y en a pour tout le monde. Et dans le lectorat, il y aura des gens qui aimeront l'imaginaire, qui aimeront le policier, plus que... et qui aimeront les styles comme Downton Abbey ou Bridgerton. Il en faut pour tout le monde. Il ne faut jamais dire, voilà, c'est nul ce que tu fais. Non, non, non, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ce genre de littérature. Il y a des gens qui n'aiment pas Harry Potter. Harry Potter n'est pas ma tasse de thé, je le dis. Je préfère une autre héroïque fantasy. J'aime bien Anne Robillard, pour ceux qui connaissent. C'est une grande auteure d'héroïque fantasy. C'est elle qui a fait toute la chronique des Chevaliers d'Émeraude, les Chevaliers d'Ankidiev. C'est une personne qui vit à Montréal. Elle est montréalaise, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de croiser aux Imaginales et c'est un peu notre mamie à nous. Elle est très conteuse, elle a une imagination débordante, c'est effarant. Et c'est quelqu'un de très très simple. Comme J.K. Rowling d'ailleurs, tout le monde croit que c'est une... Non, c'est quelqu'un de très très simple, très humble. Voilà, moi je dis qu'il y a de la place pour tout le monde et moi, je voudrais passer un message, justement. Avec la Covid, dans le monde des auteurs, nous avons dégusté, c'est le cas de le dire. Et même encore, au moment des salons, ça se ressent. Il faut aider les auteurs. Il faut lire. Je sais qu'au monde d'Internet, on lit beaucoup de e-books. Mais acheter des livres brochés, lisez-les, et vous verrez, c'est pas un poison, hein. C'est justement un truc qui vous fera engranger du savoir. comme je dis, le savoir, c'est un tout petit bateau dans un océan d'ignorance. Et quand on a une infime savoir, un infime savoir, je ne sais pas si l'expression est bonne, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Mais il faut lire. Faut lire. Il ne faut pas avoir peur. Ouvrez, poussez la porte d'une bibliothèque, prenez n'importe quel livre, peu importe, lisez. Vous verrez, ce n'est pas nocif, justement. Et là, après, bah, on se fait une idée. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, mais ça, c'est... Comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà. Et il faut aider les auteurs, parce que c'est très dur. Il ne faut pas croire. C'est très, très dur. Vous n'avez pas beaucoup de gens comme Daniel Lévy ou Guillaume Musso qui sont des auteurs qui vivent de leur art. Nous, on n'en vit pas. C'est pas possible. C'est pour ça que nous avons des métiers à côté. Moi, personnellement, avec ma maladie, bah, je suis en invalidité. Je n'ai pas peur de le dire. Mais je continue à écrire, malgré cela. Après, aidez-nous, parce qu'un artiste, c'est important dans la vie. Dans la vie. Après, on fait son avis comme on veut. Voilà, c'est tout. C'est un message que j'ai aimé passer. Vous aurez votre avis personnel. Ensuite, c'est vous que ça regarde. Mais ce message-là, je voudrais bien le passer. N'importe quel art, hein, qu'on soit artiste de théâtre, de cinéma, de être scénariste, écrivain, dessinateur, c'est pas facile. Depuis la Covid, c'était déjà dur avant, mais depuis la Covid, c'est encore plus dur, plus dur. Voilà, un message que je donne. On parle des livres, des e-books, mais il y a aussi les livres audio qui sont en plein essor, là. Aussi. Mon éditeur le fait automatiquement. Lorsqu'on présente le manuscrit, nous sommes en e-book automatiquement. On peut l'acheter en e-book. Et puis, il y a la version brochée. Nous sommes distribués à la FNAC, à Cultura, un peu partout. On a pas mal de plateformes. Le Lys Bleu est très avantageux là-dessus. Donc, oui, c'est vrai que le livre audio pénalise beaucoup le livre broché. Mais tant que c'est lu, on peut s'estimer heureux. Est-ce que Dumas vivait de sa lecture? Oui. Hugo, oui. Mais c'était une autre époque. Donc, voilà. C'est tout ce que... C'est les réflexions que je me fais. Sans plus. Hormis les imaginales, est-ce que vous avez d'autres événements auxquels vous avez déjà participé pour promouvoir vos livres ou pas? J'ai participé au Fil des mots à Taon. Je participe tous les ans. Là, c'est le côté dessinateur. Au salon de la BD à Fontenoy-la-Joûte, pays du livre. Et là aussi, je vends mes livres. J'ai participé au salon à Fraise il y a quelques années. Et là, cerise sur le gâteau, j'ai participé à un salon de la BD et du fanzine à Bruxelles, où j'ai pas mal vendu. Je vais un peu partout, dès que je peux. Et justement, en fin d'année, je vais faire des salons dans le Vaucluse avec mon ami. On va faire des dédicaces plus que des salons. J'ai même participé à un petit salon à Paris, qui était pas mal, là-bas dans l'Essonne. Donc voilà, oui, j'ai participé à pas mal d'événements, mais là, avec ma maladie, bah, je me soigne plus que les salons. Mais je capitalise beaucoup. Mon projet, ce sont les imaginales. Ça, c'est le projet principal de l'année. Après, bah, s'il y a d'autres salons, bah, mon éditeur me prévient et puis on va les faire. Quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous avez prévu prochainement? Donc, déjà, la promo des chroniques de Florissian. Et puis, les aventures de Johan Hadi, alors qu'il se passe, comme je l'ai expliqué tantôt, dans un monde utopique, steampunk, avec un côté victorien. Et il est déjà écrit. Le premier livre est déjà écrit. Là, il est en cours de correction. Justement, avec mon ami du Vaucluse, nous sommes en train de le recalibrer, disons-nous. Donc, il devrait être présenté, si tout va bien, je dis bien, si tout va bien, en octobre au service manuscrit du Lys Bleu. La première aventure. Alors, c'est une aventure qui est assez bizarre, mais assez tendre à la fois. C'est une aventure, c'est un ami belge, justement, l'ami où je suis allé à Bruxelles cette année. Il avait des petits héros, il me les présente. Il y avait 25 petits héros, un peu super-héros, qu'il avait dessinés à l'âge de 6 ans. Et je lui dis, mais c'est bizarre, déjà 25, c'est trop. Donc on ne pourra pas écrire l'histoire de tout le monde. Et je lui dis, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'héroïne, il n'y a que des hommes. Et puis parmi ces héros, il y avait John Dee. Je l'ai pris, c'était un magicien, au temps victorien. J'ai dit, ben, ton petit héros John Dee va devenir Joanna Dee. Alors on a créé. Avec une petite inspiration d'Angélique, Marquise des Anges, tous ces trucs de KPDP. Et Jane Austen, pour ceux qui connaissent, grand auteur au temps victorien. Et puis à côté de ça, j'ai une amie sur Facebook qui s'appelle Lady Daria. Et quand je l'ai vue, une grande héroïne de steampunk, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez être l'image de Joanna Dee? Elle m'a dit oui. Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles. Et l'aventure est partie. Comme ça. Tout ça a découlé d'un dessin fait par un enfant de 6 ans. Au départ. Et quand j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, tu m'as permis de créer l'héroïne. Il m'a dit, je te la laisse, elle est à toi. Tu fais ce que tu veux avec. Donc on a écrit des histoires. Voilà. Ça sera la future actualité. Et quels sont vos futurs projets en tant qu'écrivain? Une question assez ardue. Donc, dans le futur proche, donc les aventures de Joanna Dee, ça va s'appeler l'agence Osmonde, parce que ça sera... Joanna Dee est magicienne, certes, mais détective privée en même temps. Donc, ça sera une aventure comme ça. Le deuxième tome des Chroniques de Florissien, qui là va être beaucoup, comme j'ai dit, l'histoire des chérubis, petit peuple que j'adore. Et la seconde histoire de Joanna Dee est en projet. Nous avons déjà les idées notées sur cahier avec mon ami qui va collaborer avec moi. Donc nous allons en faire, oui, il y a celui-là. Et un troisième Florissien, qui lui sera beaucoup plus axé sur le sport, que j'adore. Je me suis posé la question si le monde du football croisait le monde de l'heroic fantasy. Ça donnerait quoi? Donc là, Florissian va être plus un reporter sportif qui va décrire ce monde de l'heroic ball. Voilà, ce sont les projets qui seront traités. Dans le futur lointain, il y aura un projet de science-fiction de robots géants, parce que passionné de Goldorak, et j'ai eu l'inspiration justement avec Dumas. Et je m'étais dit, est-ce si D'Artagnan était un robot géant, ça donnerait quoi? Alors bien sûr, il y a eu l'influence de Goldorak, de l'Ulysse 31, et nous avons créé un... La nouvelle est écrite. Et nous avons créé ce monde-là. Donc ça, c'est dans un futur très, très, très lointain. Futur proche, donc Joanna Dee et Florissian. C'est ma principale occupation. D'accord. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Facebook, où j'ai pris Arnaud Fulin, qui est le nom de mon grand-père, à qui je dois beaucoup. D'ailleurs, mon nom d'auteur, c'est ça, Arnaud Fulin Finance, c'est les deux noms. Donc j'ai un Facebook, vous pouvez taper Arnaud Fulin. J'ai une page Google, vous tapez Arnaud Fulin Finance, et vous avez tout ce que j'ai fait. J'ai un Twitter, pareil, vous tapez Arnaud Finance et vous aurez ma page. Je suis sur Link aussi, toujours sur leur nom d'Arnaud Fulin, je crois. J'en suis pas certain. Et puis j'ai une adresse mail, elion88@orange.fr. Là, vous pouvez me joindre et je répondrai à tous les messages autant que je peux. Voilà. Sinon, le livre est distribué à la FNAC ou la maison d'édition a ses réseaux. Nous sommes aussi à Cultura, où je ferai sûrement des dédicaces. Et ça, il faut que je mette ça au point avec mon éditeur. Voilà mes réseaux. Alors, je n'ai pas de TikTok, je dois avoir un compte Instagram. Et je n'ai pas de WhatsApp. Donc ça, dans l'email, ça sera pareil, mis au point. Là, il faut que je voie ça avec mon ami aussi. Voilà, on peut me trouver là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer à imaginer. Mmh. Je ne demande pas plus. Cette émission est maintenant terminée. Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Et je reviendrai prochainement pour les aventures de Johanna. Jamais 304, c'est ça ? Peugeot ? Oui, jamais 304. Et je pense que j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde !